Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler. Les mémoires de Saint-Simon. Il n'est pas mauvais de réhabiliter dans une certaine mesure la mémoire de Saint-Simon qui passe pour un homme aigri, pour un homme qui versait le fiel et le vinaigre sur ses ennemis. En réalité, s'il a eu la plume féroce, Saint-Simon a été un homme en avance sur son temps contre l'absolutisme, contre l'intolérance. La voix de l'auteur des mémoires nous parvient comme une radio qui émettrait de loin, mais qu'on ne percevrait plus qu'à travers les brouillages de notre époque qui masque le passé. Nous avons envie de lui poser des questions d'aujourd'hui. On entendait l'ancien maire de la Ferté-Vidame, l'ancien fief de Saint-Simon. Par exemple, de quelle époque est-il vraiment ? Il raconte les dernières années de Louis XIV et la Régence, mais il écrit beaucoup plus tard, dans les années 1740. Alors, dit joliment José Cabanis, qu'il porte la même perruque que Voltaire. En 1749, alors qu'il en est enfin parvenu à l'année de la mort du régent, il conclut les 8000 pages de son texte, édition de la Pléiade, d'un péremptoire « Je n'ai songé qu'à l'exactitude et la vérité ». Nous nous efforçons donc, nous, aujourd'hui, à le prendre en flagrant délit d'erreur et, évidemment, nous y réussissons. Pourtant, en arrachant à l'oubli toute une société qui a passé, Saint-Simon a fait œuvre d'histoire. Nous avons fait de lui un maître du style. Il avouait « Je n'ai pu me défaire d'écrire rapidement ». Encore un malentendu, insaisissable Saint-Simon. Il est vrai qu'il nous a prévenus. Rien n'est facile quand on veut faire un portrait. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Avec Marc Hersant, d'habitude je ne donne pas les titres des invités, mais là, face à un individu comme Saint-Simon, qui était très attentif au rang, il faut que vous arguiez de vos qualités, monsieur Hersant. Et donc je suis censé dire que je suis professeur à l'université d'Amiens. Et bon, que... c'est pas extraordinaire, dirait Saint-Simon, parce que moi j'ai pas eu une jeunesse académique, disait-il, et je ne sais pas s'il était très impressionné par les titres de la Sorbonne. Et puis entre nous, ça n'a ni la gloire ni le prestige du titre de duc et pair sous l'Ancien Régime. Hein, on va quand même pas confondre les gens à ce Alors, point. Il dit les mémoires sont de source. On va essayer de parler comme lui, hein, avec sa langue, souvent est extrêmement cursive, les mémoires sont de source. Ben non. Bon, en tout cas, ce sur quoi je voudrais revenir par rapport à ce que vous avez dit dans votre présentation, c'est à propos de, disons, de l'inscription des mémoires dans l'histoire de la littérature, si on les place dans la littérature, c'est que c'est une œuvre, effectivement, qui n'est pas une œuvre du XVIIe siècle. Hein. On associe fantasmatiquement Saint-Simon au XVIIe siècle parce qu'il parle du roi qui, pour nous, est lié inextricablement au XVIIe siècle, Louis XIV, dont il a été, effectivement, mais dans sa jeunesse, le contemporain. Hein. Mais son récit va au-delà, hein, jusqu'à la fin de la Régence, du duc d'Orléans, et jusqu'à sa mort, et il écrit effectivement son œuvre très tard, en plein milieu du XVIIIe siècle. Il a connu personnellement Montesquieu, il parle de manière acide et méprisante de Voltaire, dont la réussite l'agace, hein, et il écrit son œuvre principale, donc en tout cas dans sa version définitive, celle qu'on a conservée, celle qu'on a retrouvée, entre 1739 et 1750. J'ajoute que cette œuvre, je le rappelle parce que c'est vraiment très important, il y a quelque chose d'héroïque là-dedans, était absolument posthume, hein, que Saint-Simon n'en a peut-être pas montré une ligne à qui que ce soit de son vivant, en dehors de Rancé, dont on parlera peut-être. Si ses mémoires voient le jour, je ne doute pas qu'il n'excite une prodigieuse révolte. Il y aurait toute une histoire à faire, on n'a pas le temps, de l'édition des mémoires de Saint-Simon. La première vraie édition date de 1830, donc voilà, presque un siècle 75 après ans l'écriture. Après sa mort, si je compte bien. Alors Rancé, on va commencer comme ça. Saint-Simon ne détestait pas les contes, et Rancé, c'est un personnage de conte à certains égards. Saint-Simon a 18 ans quand il devient duc, après la mort de son vieux père. Il va se marier avec une mademoiselle de Lorge. Et il a pris l'habitude, la Semaine Sainte, en compagnie d'abord de son père, d'aller visiter l'abbaye de la Trappe, laquelle se situe tout près de son fief de la Ferté-Vidame. Alors l'abbaye de la Trappe, c'est un lieu de réforme radicale de la vie monastique. On mourait là-bas quand on était sous l'égide de Rancé à l'âge moyen de 33 ans. C'est effectivement mortalité très, très rapide, incontestablement. En ce qui concerne Rancé, il faut bien sûr avoir à l'esprit que pour Saint-Simon, c'est, disons, un élément de son imaginaire avant tout, hein, une figure fondamentale d'un imaginaire qui est un imaginaire enfantin. Au départ, effectivement, il allait rencontrer Rancé régulièrement dans sa jeunesse avec son père. Et ces rencontres ont eu une influence sur sa vision du monde. Et je pense sur un certain sentiment de la vanité de toute chose très chrétien qui emplit son œuvre, qui est présent dans son œuvre de manière permanente. Hein, C'est très difficile de faire un portrait. Alors, il y a une expérience extraordinaire qui est très bien connue. Rancé, évidemment, ne veut pas être portraituré puisqu'il est retiré du monde. Et Saint-Simon, malicieux. Et Saint-Simon, malicieux, il organise une sorte de mise en scène qui lui permet d'obtenir de Rigaud, qui était un peintre évidemment déjà très renommé à l'époque, un portrait de Rancé, sans que Rancé sache qu'on est en train de faire son portrait. Mais alors comment ça se passe? Ça se passe que Saint-Simon arrive à la trappe avec ce personnage qu'il présente comme étant un curieux, très, très, très fasciné par la figure de Rancé, qui souhaite vivement le rencontrer. Donc, mais qui est bègue, alors qu'il peut pas entretenir la conversation avec lui. Une sorte de subterfuge pour que le personnage se trouve en présence de Rancé, mais sans pour autant parler, parce qu'il a des problèmes d'élocution, regardant Rancé avec une acuité, une intensité qui déroute d'ailleurs Rancé, qui se demande ce que ce bonhomme vient faire dans cette histoire. Surtout qu'il vient deux fois, trois fois. Voilà, et évidemment Rigaud a besoin de plusieurs séances, donc il faut insister, et à peine évidemment sorti de ces séances, Rigaud se jette sur sa toile, pour composer un portrait de Rancé. Des portraits de mémoire. Oui, de mémoire. Crayonné au départ, c'est ce que va faire dans une sorte de Saint-Simon. Mémoire immédiate. Hein. 1990, un film à la télé tout à fait étonnant, Jacques Renard l'a signé, ça s'appelle Leçon de ténèbres, et les moines de la trappe de 1990 jouent le rôle des moines de l'époque de Rancé, tels qu'on les voit dans les innombrables gravures de l'époque, et défilent la liste des visiteurs. La duchesse de Guise, le duc de Saint-Simon, Bossuet, l'ami et le camarade d'école de Rancé, Jacques II d'Angleterre et la reine de Grande-Bretagne, le maréchal de Bellefond, monsieur, frère du roi, viennent à la trappe. Rancé reçoit jusqu'à 6000 visiteurs par an. On piétine dans son cloître, on s'écrase devant ses corridors, la trappe, un désert, mais comblé. Il répond à toutes les attaques. Multiplie les ouvrages. Les correspondances. 15 000 lettres. Toujours au travail, du matin au soir. Jusqu'à nourrir 3 000 nécessiteux par semaine. À recevoir les amis, les visiteurs. Car toutes les querelles n'ont pas empêché la gloire de la trappe de grandir et de se répandre. Oui, la gloire de la trappe, parce que c'est quand même un lieu de contradiction. La ville et la cour viennent. Alors, il y a des questions passionnantes là, qui se posent. Quand vient le roi d'Angleterre en exil, où est-ce qu'on le met? Quand vient une princesse du sang, Madame de Guise, où est-ce qu'on la met? Ça, c'est des questions pour Saint-Simon. Ça le tracasse. Des questions, évidemment, de hiérarchie, de protocole, hein, qui lui sont extraordinairement chères. On sait que c'est un homme qui passait de son vivant, malgré le fait que l'obsession protocolaire soit quelque chose de passablement répandu dans les élites aristocratiques de son époque, pour une forme d'énergie humaine, malgré tout, par la fixation obsessionnelle qu'il posait sur ces questions-là. Par exemple, dans sa jeunesse, il était un des ducs les plus acharnés dans la lutte contre le duc de Luxembourg, qui prétendait avoir la préséance sur lui et sur d'autres ducs dans un procès où il a montré très vite qu'il était plus intense et plus impliqué dans ces histoires-là que les autres ducs, ses contemporains. Si les auditeurs se demandent où on met une princesse du sang, on la met dans le cœur, parce que c'est une princesse du sang, mais elle est au milieu des hommes. Oui, mais comme les hommes ont une capuche sur la tête et qu'ils ne lèvent pas la tête, ils ne voient pas la princesse du sang. L'affaire Tividame est proche de la trappe et l'affaire Tividame est proche de Versailles, où Saint-Simon fait des pieds et des mains pour avoir un appartement dans le château. Oui, appartement dont il ne va véritablement disposer, en tout cas pour ce qui est d'un appartement de standing, qu'en 1710, quand son épouse Madame de Saint-Simon va devenir dame d'honneur de la duchesse de Berry, dans un épisode qu'il raconte très longuement dans les mémoires, parce qu'il est absolument persuadé qu'il a été l'organisateur principal de ce mariage, et qu'il a c'est les cabales qu'il a montées pour produire ce mariage ont réussi. Alors les cabales, Emmanuel Leroy-Ladurie a fait tout un livre sur Saint-Simon, où il dessine comme des infographies au journal télévisé, les cabales de la cour. Il y a effectivement chez Saint-Simon une sensibilité à ce qu'on pourrait appeler une sorte de géographie politique de la cour, dont il dresse la cartographie essentiellement dans les années 1709, 1710, 1711, et qui s'organise autour de trois cabales essentiellement, hein, une qui tourne autour de Madame de Maintenon, une autre autour de la figure du duc de Bourgogne, et une autre autour de la figure du dauphin, dans une logique qui est assez classique, hein, c'est-à-dire que comme le dauphin est le successeur immédiat de Louis XIV et le duc de Bourgogne le suivant, il y a évidemment des tensions entre les clans qui entourent ces deux figures majeures de la cour. Hein. Il furette, il regarde par la forme des portes, il cherche les explications de coulisses. Alors vous m'avez posé une drôle de question tout à l'heure avant l'émission. Est-ce que c'est parce que j'ai rencontré une journaliste de France Inter en Turquie pendant que j'étais en train de lire Saint-Simon en déjeunant que je suis ici? Oui, je me suis effectivement... Ça, c'est une question, là, Saint-Simon. Je me suis effectivement posé la question parce que j'étais cet été donc en vacances en Cappadoce pendant quelques semaines et je me suis retrouvé à une terrasse de restaurant où je lisais à mes amis hein, de voyage des extraits, des anecdotes croustillantes hein, de Saint-Simon qui les faisaient fort rire. Et j'étais embarrassé à l'idée que de déranger hein, les voisins. Et visiblement, ils se sont montrés plutôt intéressés que dérangés. Et une de ces personnes travaille à France Inter. Et je me suis demandé si elle était à l'origine de ma présence je ici. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Parce qu'il faudrait visiter les souterrains de la cour comme le faisait Saint-Simon. Votre nom a surgi, venu de notre équipe. Mais peut-être d'accord. Cette équipe a été informée comme vous le dites. Alors, si il s'intéresse au rang, au tabouret... Si vous voulez ajouter quelque chose, oui, je vous laisse justement sur cette question, c'est quand même important parce qu'il me semble qu'il y a chez Saint-Simon deux facettes qui coexistent et qui sont également intenses et importantes et qui expliquent partiellement son génie. Effectivement, c'est quelqu'un qui est absolument obsédé par les questions de rang, de hiérarchie et qui pense avant tout la personne par dans sa place dans la structure hiérarchique de l'Ancien Régime. Mais il a aussi à côté de ça une capacité absolument singulière et étonnante à s'intéresser aux individus dans leur spécificité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde aussi des personnes indépendamment de leur statut social et de leur rang. Et je pense qu'il a développé une sensibilité également intense à ces deux aspects. Et la lie du peuple, qu'en pense-t-il? 1693, une grande famine, il n'y a rien. 1709, le grand froid et ses conséquences frumentaires, l'été qui suit, là, ça l'intéresse. Il faut dire que on est déjà dans une perspective de succession du roi et qu'il cherche à s'inscrire peut-être dans une cabale contre Louis XIV. La cherté de toutes choses, et du pain surtout, avait causé de fréquentes émotions dans toutes les différentes parties du royaume. Paris s'en était souvent senti. Et quoi qu'on eût fait demeurer près d'une moitié plus que l'ordinaire du régiment des gardes pour la garde des marchés et des lieux suspects, cette précaution n'avait pas empêché force des ordres, en plusieurs desquels Argenson courut risque de vie. Monseigneur, venant et retournant de l'opéra, avait été plus d'une fois assailli par la populace et par des femmes en grand nombre criant du pain. Il s'en était tiré en faisant jeter de l'argent et promettant merveille. Il arriva que le mardi matin 20 août, le pain manqua sur un grand nombre. Une femme, entre autres, cria fort haut, ce qui en excita d'autres. Les archers, préposés à cette distribution, menacèrent la femme. Elle n'en cria que plus fort. Les archers la saisirent et la mirent indiscrètement à un carcan voisin. En un moment, tout l'atelier accourut, arracha le carcan, courut les rues, pilla les boulangers et les pâtissiers. De main en main, les boutiques se fermèrent. Le désordre grossit et gagna les rues de proche en proche, sans faire de mal à personne, mais criant du pain. Il est normal que quelqu'un qui est sensible au rang le soit un peu, peut-être, aux inégalités sociales. Oui, la question du peuple, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser à propos de Saint-Simon. Bon, l'imagerie de Saint-Simon fait qu'on se représente un duc épais, évidemment, imbu de son rang et méprisant, d'ailleurs, hein, tout ce qui appartient. C'est l'expression qu'il utilise effectivement à la lie du peuple. Il y a quelques épisodes qui mettent en scène les hommes du peuple dans les mémoires. Ils sont pas très nombreux, mais ils existent et parfois ils le sont effectivement de manière un petit peu ironique et méprisante. Vous pouvez raconter rapidement l'histoire du paysan que l'intendant Charnassé voulait absolument déloger de sa chaumière qui était sur l'avenue qui menait à son château. Cette histoire est absolument folle, hein, puisque Charnassé, effectivement agacé par la présence d'une maison de paysans sur ses terres et qui n'arrivait pas à le déloger, trouve un subterfuge incroyable. Hein, il fait venir Charnassé dans son château, il l'occupe quelque temps, et pendant ce temps-là, il fait absolument et totalement déplacer sa maison avant de renvoyer le paysan chez lui. Et Saint-Simon décrit le paysan cherchant à tâtons sa maison qu'il ne trouve pas, ne comprenant pas ce qui se passe, tombant d'un seul coup sur une maison qui ressemble à s'y méprendre à sa maison, mettant la clé dans la serrure, constatant qu'elle ouvre, ne comprenant absolument rien, et la scène est irrésistiblement drôle. Hein, bon, elle ne manifeste pas beaucoup de sympathie de Saint-Simon pour le personnage du paysan. C'est un personnage comique, et il y a une sorte de complicité qui s'établit entre lui et Charnassé, se moquant du paysan. Mais il y a un autre Saint-Simon, hein, sur la question du peuple, et je pense que ce Saint-Simon-là, il apparaît effectivement, notamment dans l'évocation des émeutes populaires de 1709, qui ont suivi elles-mêmes un hiver épouvantable, l'hiver de 1709, qu'il décrit longuement dans la chronique de 1709 de ses mémoires. Et ce Saint-Simon-là est capable de compassion, d'une forme de pensée politique favorable, hein, au peuple et, disons, à toutes sortes de mesures visant à soulager ses souffrances. 1711, le grand dauphin meurt. 1712, le dauphin suivant meurt. 1714, il est question de mettre les bâtards dans la succession royale. Alors ça met sans dessus dessous, S-A-N-G, le duc de Saint-Simon. Et enfin, le roi meurt en 1715 et va commencer la grande époque pour le petit duc, l'époque de la prospérité, brève époque. Château, villa, maison superbe, jardin fleuri, belle aqueduc, jeune poulain sautant les herbes, tout cela est tout duc. Et sur les marches du perron, quatre laquais chantent en rond. Attention, tout est tout duc ici, monsieur, tout est tout duc, tout est tout duc, tout est tout duc. Il possède à lui seul des millions de ducats. Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc a. Le duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux. Mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux. Il est nerveux, il est nerveux. Et nous cherchons en vain depuis un truc pour faire pousser les poils du duc. Quand je revins au château, on me dit bientôt, vous trouverez du changement depuis 25 ans. Papier timbré, huissier terrible, saisi arrêt du percepteur. Oh là là, quel malheur! Et sur les marches du perron, un seul mythe chantait en rond. Déception! Rien n'est au duc ici, monsieur, rien n'est au duc, rien n'est au duc, rien n'est au duc. Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc n'a. Le duc n'a rien, monsieur, nos bas sont rapiécés, nos culottes sont toutes froissées. Nous avons faim, nous sommes capables de tout, mais s'il n'y a rien, mais rien du tout, il faudra bien qu'on lui fauche sa perruque, et nous boufferons les poils du duc. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Charles Trenet, je n'y ai, si vous pas y voir un résumé parfaitement exact de la vie qui va maintenant courir du duc de Saint-Simon. Enfin, il est vrai que dans les dernières années, il a laissé un certain désordre financier, et puis le duché ne lui a pas survécu. Ses deux fils sont morts avant lui, n'avaient pas eux-mêmes de fils, et il ne reste pas pierre sur pierre, pratiquement, du château de Saint-Simon à la Ferté-Vidame. Mais venons-en à l'époque de la grandeur, les 8 années de la Régence. Alors là, il est dans le circuit. Oui, il est dans le circuit politique, dans la mesure où effectivement, étant depuis son enfance, un proche de celui qui est d'abord le duc de Chartres, puis duc d'Orléans, puis régent de France, hein, il raconte dans ses mémoires qu'il a été éduqué avec lui, hein, de manière d'ailleurs assez mystérieuse, parce qu'il donne pas beaucoup d'informations concrètes sur cette familiarité qui remonte à l'enfance. Mais effectivement, la régence lui donne l'occasion d'avoir un rôle politique effectif dans la gestion du royaume, même si il est quand même assez étonnant de remarquer qu'il a souvent refusé les responsabilités qu'on lui proposait. Par exemple, on lui a proposé d'être gouverneur du jeune roi, il n'a pas voulu. Hein. On l'entend ici dans la Tribune de l'Histoire, c'est une émission historique de France Inter, qui chuchote des recommandations à l'oreille du régent, qui a du mal à prendre ses marques, parce que le testament de Louis XIV a un peu borné son domaine. D'après vous, Saint-Simon, que faut-il faire ? Agir sans plus attendre, monseigneur. Il faut parler, monseigneur. Parlez tout de suite. Bien. Messieurs ! Messieurs ! Messieurs, je viens d'entendre en même temps que vous, pour la première fois, la lecture du testament de feu roi mon oncle. Si la compagnie a senti combien mon honneur était blessé par les dispositions du testament, il est impossible qu'elle n'apprécie pas à quel point toutes les lois et toutes les règles sont violées par les dispositions des codicilles. Il ne laisse en sûreté ni ma liberté, ni ma vie. Ils mettent le roi dans la dépendance absolue de ceux qui ont osé profiter de la faiblesse d'un roi mourant. La régence est impossible à de telles conditions. Les mémoires de Saint-Simon, c'est une extraordinaire galerie de portraits, disiez-vous, Marc Hersan. Alors, le portrait crayonné de Philippe d'Orléans, il est toujours favorable. Courageux, ferme, déterminé, comme dans cet extrait. Mais Il est compliqué. Il y a un portrait important du duc d'Orléans dans la chronique de 1715 que Saint-Simon écrit juste avant le récit de la mort de Louis XIV. Il fait un portrait en deux parties avec les aspects positifs et les aspects négatifs du duc d'Orléans. Et au milieu de ce portrait, il y a une anecdote qui est très amusante. C'est un conte que Saint-Simon attribue à Madame, qui raconte, Madame, donc la princesse palatine, mère du duc d'Orléans, qui raconte qu'à la naissance du duc d'Orléans, des fées se seraient réunies pour donner au duc d'Orléans toutes les qualités, mais qu'une mauvaise fée serait arrivée, bon, évidemment, pour ce conte de Perrault, pour rendre absolument inefficace et inutile toutes ces qualités qui ne lui serviraient toute sa vie à rien. Ce qui, évidemment, donne une idée de ce que Saint-Simon pense du duc d'Orléans. Qu'il traite homme parfois dans les entretiens de vieux débauché. Et on voit Philippe d'Orléans la tête entre les mains qui se dit... Et je n'ai même plus le goût du vin, je n'ai même plus besoin des femmes. Oui, parce qu'il y a dans le couple que forment, dans les mémoires, le duc d'Orléans et le duc de Saint-Simon, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inoubliable, un petit peu comme Don Quichotte et Sancho Panza, ou Jacques le Fataliste et son maître, inextricablement liés. Il y a le dévot, Saint-Simon, le libertin, le duc d'Orléans, celui qui est profondément croyant, celui qui est probablement plus ou moins athée ou déiste. Hein. Et malgré tout, ces deux hommes s'aiment, hein, et Saint-Simon sera éternellement fidèle au duc d'Orléans. Il faut même se rendre compte que la figure centrale des mémoires n'est peut-être pas Louis XIV, mais bien le duc d'Orléans, et que le point terminal des mémoires, ce n'est bien sûr pas la mort de Louis XIV, mais la mort du duc d'Orléans, c'est vers elle que tout converge, hein, et c'est à elle que tout aboutit. Eh oui, on se disait que la mort est là, imminente, mais attendez, laissez se développer un instant la vie, et le conseillisme. Alors le conseillisme, c'est une sorte de système participatif que Saint-Simon avait recommandé au duc d'Orléans et qui s'étendait. Alors il y avait beaucoup de membres dans chacun des conseils, et puis ça pouvait se développer et s'élargir. Pour ce qui se passait alors au conseil de régence, il n'importait plus qui en fût. Nous y étions déjà 15. Vervic fut le 16e. Une fois que le roi vint, un petit chat qu'il avait le suivit, et quelque temps après sauta sur lui, et de là sur la table, où il se mit à se promener. Et aussitôt, le duc de Noailles a crié, parce qu'il craignait les chats. Monsieur le duc d'Orléans se mit aussitôt en peine pour l'ôter, et moi de sourire, et lui dire « Mais monsieur, laissez ce chat, il fera le 17e. » 36 secondes, il y a tout le système de la régence, parce que on est dans un climat détendu, enfin. Après de longues années mortifères. Ouais. Et on peut être nombreux. Il y en a même qui disent, le roi Ladurie, c'est l'origine du système représentatif en France. On peut être nombreux à gouverner. Peut-être, c'est un petit peu plus compliqué que ça, peut-être parce que dans le conseillisme, et qui est une idée politique à laquelle Saint-Simon a participé, il y a aussi la volonté de rompre avec un absolutisme qui donnait le pouvoir à des ministres d'origine bourgeoise ou roturière ou de robe, et à rendre une partie du pouvoir à la grande aristocratie. Il y a des ducs, bien sûr, et donc ça va un petit peu dans les deux sens, dans le sens d'une modernité de Saint-Simon, mais aussi dans le sens d'un passéisme de Saint-Simon qui peuvent très bien coexister, je veux dire paisiblement en l'occurrence. Alors pas de poste de premier plan, mais on lui prête Meudon. Il y donne des réceptions nombreuses, il est très content avec Madame de Saint-Simon. Et puis, il va être envoyé comme ambassadeur en Espagne. Alors, il a une mission quand même, accompagner un mariage. Le mariage de la fille du régent avec le fils du roi d'Espagne, Philippe V. Avec le jeune Louis XV, il était question du mariage du jeune Louis XV avec un enfant d'Espagne. Oui. Oui. Saint-Simon est donc envoyé en Espagne dans un contexte d'ambassade extraordinaire, extrêmement prestigieux, honorifique. Il va d'ailleurs récupérer le titre de Grand d'Espagne dans l'opération. Hein, et très important. Qui va s'ajouter à son titre de duc et père. Il faut se souvenir d'ailleurs que dans les mémoires, il y a une longue dissertation d'étiquette où il compare les deux titres, celui de duc et père et celui de Grand d'Espagne, en se demandant lequel a le plus de prestige. En fait, il ne fait pas grand-chose en Espagne, non, parce qu'au moment clé, il tombe malade. Non, effectivement. Et puis, ce qui l'intéresse, c'est le protocole, la comparaison des rites. Les questions protocolaires. Et puis, peut-être aussi, est-ce une manière... d'être brillamment exilé à un moment où ceux qui ont véritablement pris les rênes du pouvoir en France, ce sont d'autres conseillers du duc d'Orléans et ne tout le décevez pas. Dubois. Il va observer les cérémonies de la toison d'or. Il y a même un plan dans les mémoires. Oui. Il fait parfois Saint-Simon des plans. Comment on reçoit la toison d'or? Et alors, comment vit la reine d'Espagne? Alors ça, c'est une vaste question. Pour être bien avec elle, dit Saint-Simon, il fallait accoucher souvent. N'être pas trop longtemps en couche ni souvent incommodé, surtout faire ses dévotions tous les 8 jours. La reine n'avait exactement à elle que le temps de la chaussure, de ce chaussure, et au saut du lit. Elle écoutait la messe dans la tribune, et le roi et la reine communiaient tous deux ensemble. On nous parle aussi du dîner chez la reine et du souper, un potage uni, des chapons, poulet, pigeons bouillis et des rôtis, longe de veau rôti, pas de fruits, ni de salade, ni de fromage, rarement de pâtisserie, on ne fait jamais maigre. Il y a souvent des œufs, le tout est arrosé de vin de champagne. Et on ajoute ce détail, il y a 2 chaises percées côte à côte, celle du roi et de la reine. Le sacré et le profane, Pierre Bertin, on fait jamais maigre. Alors ça, il n'aime pas beaucoup ça, Saint-Simon. Il est très étonné que les jésuites permettent l'usage du chocolat, par exemple, le jour de jeûne. Oui, effectivement. C'est encore un truc de jésuite, ça. Oui, oui, oui. Saint-Simon, faut-il le rappeler, avait plutôt des sympathies pour les jansénistes, hein, plutôt que pour les jésuites d'ailleurs. Et tout à l'heure, on a parlé de Rancé. Il est peut-être intéressant de savoir que c'est à Rancé que Saint-Simon attribue le fait qu'il n'ait pas purement et simplement décidé de basculer dans le jansénisme et de devenir lui-même un représentant majeur, s'il eût été, du jansénisme français. Ah bah, il va avoir l'occasion d'exercer ce que Rancé lui recommandait, la retraite après la mort du régent. Lui signifie que sa présence n'est plus indispensable à Versailles et il s'en va. Mais oui, la fin de la vie de Saint-Simon, bon, il faut peut-être pas non plus aller trop loin dans ce sens, c'est-à-dire qu'il garde une sorte de vigilance sur la vie politique de cette époque. Il n'a plus de pouvoir, hein, à supposer qu'il en ait vraiment eu beaucoup pendant la régence, il n'en a plus. La fin de sa vie va ressembler, en tout cas à certains égards, à une retraite, et à une retraite dont l'activité principale va être ce qui va lui assurer son titre de gloire pour l'éternité, à savoir l'écriture. Hein. Même s'il a écrit avant, bien sûr. Hein. J'ai pas le temps de revenir sur tout ce que Saint-Simon a écrit avant. Le premier essai, il l'avait proposé à Rancé en 1699. Exactement. Et Rancé lui avait dit que... Il y a quand même là quelque chose d'absolument étonnant, c'est que Saint-Simon est un homme qui avait 20 ans lorsqu'il a décidé de se lancer dans l'entreprise d'écrire des mémoires. Hein, c'est quand même pas un cas de figure qu'on trouve très souvent dans l'Ancien Régime. Surtout habituellement, quand ça se réalise à 65 oui, seulement. Oui, et habituellement, on écrit ses mémoires sur le tard. Et il a effectivement envoyé en 1699 une première version de ses mémoires à Rancé en lui demandant, c'est un moment très important sans doute de l'histoire du texte des mémoires, enfin de l'œuvre, si d'un point de vue chrétien, il pouvait continuer à faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire entre autres dire tant de mal de son prochain et de ses contemporains. On ne connaît pas la réponse de Rancé, on ne sait pas ce qu'il a répondu. Alors, vous parlez d'un point de vue chrétien et moral, on pourrait parler d'un point de vue historique, il y a des erreurs mais c'est une œuvre d'histoire. J'aimerais qu'on finisse en parlant du point de vue littéraire. Quel style, alors qu'il n'avait pas le sentiment d'avoir du style? Alors déjà, le projet de Saint-Simon me paraît quand même, c'est important à dire, de son point de vue, c'est un projet d'historien. Hein. La préface des mémoires s'intitule Savoir s'il est permis de lire et d'écrire l'histoire et singulièrement celle de son temps. Et tous les discours explicites de Saint-Simon sur son œuvre font de ses mémoires une œuvre d'historien. Bon, par conséquent, on peut penser que la lecture littéraire de l'œuvre, c'est d'une certaine manière une invention des autres et notamment de la postérité. Et l'identification du style de Saint-Simon comme style génial, fulgurant, hein, par exemple le style de feu ou l'écriture à la diable dont parle Chateaubriand, c'est d'une certaine manière une invention romantique. Lui-même, Saint-Simon lui-même prétend qu'il n'a pas vraiment de style, qu'il n'a en tout cas évidemment pas un style académique et qu'il ne s'en est pas soucié de son style. C'est dans la conclusion des mémoires qu'il dit ça. Est-ce que c'est du cabotinage? Est-ce qu'il y a une part de vérité? Il est vrai qu'il parle de ses négligences de style et que quand on regarde le texte de près, on en constate beaucoup, on en observe beaucoup. Donc 8000 pages, 9 volumes de la Pléiade, si on ne parle que de l'édition d'Yves Coirot. Merci à vous, Marc Hersan. On ne finirait pas à raconter de lui. J'essaye de parler comme Saint-Simon l'année prochaine. Vous sortez en folio une biographie du duc de Saint-Simon. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Jean-Noël Vélan, Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco dans l'équipe de la Marche de l'Histoire.